moi je voulais présenter deux structures différentes. Ouais. L'école lyonnaise de plantes médicinales, qui en fait essaye de dispenser des formations sur comment se maintenir en bonne santé grâce aux plantes, donc éviter la médecine chimique, et qui a mis en place un réseau qui s'appelle Herbalistes sans frontières, pour justement créer du lien entre toutes les personnes qui utilisent les plantes médicinales, mais à travers le monde. Et une autre structure qui s'appelle Terre du Ciel, parce que comme on disait dans le film hier soir, les problèmes qui sont créés à un certain niveau ne peuvent pas être résolus dans le même niveau. Donc Terre du Ciel, c'est culture et sagesse du monde, c'est faire connaître un petit peu toutes justement ces cultures qui nous permettent une élévation des consciences.